sommes au téléphone dans ce campus info du vendredi soir. C'est l'avant-dernière en fait. Et on est en contact, on continue avec le téléphone. Hein. On a pris un peu cette habitude. Je pense qu'au mois de septembre, on va changer, on va retrouver les gens en vrai, je pense bien, quoi, en studio. Et là, on a Cédric Vallet, journaliste pour la revue Alter Echo, au téléphone. Bonjour Cédric. Bonjour. Ça va bien ? Super, très bien, et toi ? Oui, ça va bien. Tant mieux. Et donc, c'est toujours cette idée, on garde cette idée, en fait, d'inviter Alter Echo une fois par mois, puisque votre revue est un mensuel, donc c'est un revue d'actualité sociale avec le décodeur, il faut préciser. Voilà, et ce mois-ci, vous en avez un sorti, je trouve que vous n'avez pas chômé, il est vraiment conséquent, quoi. Voilà, et ça s'appelle « S'en sortir ». Alors, « s'en sortir », on ne peut pas sortir, mais aussi « s'en sortir », on va se démerder dans la vie, quoi, on va se débrouiller, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça, mais effectivement, d'abord, c'est un gros numéro, parce que on a mis à la fois tout ce qu'on a fait pendant le dernier mois de confinement, et voilà, donc ça fait effectivement un bon volume de choses à suivre, et ça s'appelle en effet « s'en sortir », donc c'est à la fois sur la perspective de l'après, de ce qui va se passer, et d'avoir toujours une pensée, et plus qu'une pensée, d'essayer de comprendre ce qui se passe avec toute une série de publics qui, malgré le déconfinement, vont avoir des sérieuses difficultés à s'en sortir. Voilà, donc c'est effectivement avec cette idée d'examiner à la fois l'après, tout en restant bien ancré sur les conséquences sociales de ce déconfinement, qui sont assez brutales pour toute une série de gens, et comme on peut lire dans toute une série d'articles dans cet Alter Echo. Mais donc, cet Alter Echo, il a été écrit essentiellement en période de confinement, quoi. Oui, essentiellement, même si les journalistes ont commencé à se déconfiner quand même. Donc, ma collègue Marinette Moron, par exemple, est allée à la rencontre d'une association bras dessus, bras dessous pour un long reportage auprès des personnes âgées. Donc, c'est une association qui vient en aide aux personnes âgées, qui a fait des tas d'actions assez chouettes pendant ce confinement, parce que évidemment les personnes âgées ont été les principales victimes, on pourrait dire, même de ce confinement et de cette maladie. Donc voilà, c'était aussi le retour des reportages et d'aller voir concrètement ce qui se passe sur le terrain. Moi, par exemple, je suis allé aussi, ça commence à remonter un peu, mais le dispositif spécifique avait été mis en place à Charleroi dans un gymnase pour accueillir les sans-abri. Donc voilà, c'était aussi le déconfinement progressif des journalistes. On a commencé à repartir sur le terrain et notamment à s'intéresser aux actions très concrètes. Et donc, toi, tu as écrit un entretien, tu as retranscrit un entretien qui fait vraiment le début de la revue, hein. Ça commence avec avec Céline Niewoeis, ou Niewoeis. Voilà. Niewoeis, oui. Je crois que je prononce bien, j'espère. c'est un long entretien que j'ai fait avec mon collègue Julien Winkel. De Céline Niewoeis, c'était effectivement pour nous très important de lui parler, parce que c'était la seule représentante du secteur social au sens très large, dans le fameux GES, alors je ne prononce jamais très bien, il y a des tas de prononciations différentes, mais enfin c'était le GES, quoi. Le groupe mis en place par Sophie Wilmès pour organiser le déconfinement. Et donc son regard était extrêmement important d'écouter, de voir comment ça se passe dans ce groupe. Mais c'est qui cette dame en fait ? La caution, c'était un peu la question. Sociale dans ce groupe. Mais c'est qui cette dame en fait ? Ah oui, pardon, c'est qui cette dame ? Mais oui, Céline Niewoeis, c'est la directrice, je pense, de la Fédération des. Oui, c'est la secrétaire, générale de la Fédération des Services Sociaux. Mais oui, merci. De la Fédération des Services Sociaux. Moi, je l'ai en face de moi, hein, ton article. Donc, qui réunit des tas de services sociaux à Bruxelles et en Wallonie. Et voilà, donc à ce titre-là, elle a été invitée par Sophie Wilmès à participer au groupe, et je trouve que ce qu'elle raconte est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle a vraiment essayé de proposer des idées, de se réunir avec des experts dans les domaines sociaux pour proposer des idées fortes, à la fois face aux impacts sociaux de la maladie, mais en tentant de proposer des choses qui vont plus loin, notamment, par exemple, de rehausser les allocations sociales, les minimums sociaux, et dès qu'il s'agissait de sortir un peu du cadre des discussions autour du Covid, c'était très compliqué, et même pour des solutions d'urgence, par exemple, une simple solution pour éviter qu'il y ait la file devant les banques alimentaires, simplement proposer de donner des coupons alimentaires pour que les gens aient de l'argent et qu'ils achètent ce qu'ils veulent manger ou ils veulent l'acheter, ça c'était une proposition très très complexe à faire avancer, donc je trouve que c'est intéressant de voir la réalité de cette de ce groupe de travail et de voir l'impact assez minimal finalement, même si voilà, elle fait tout son possible, mais elle décrit très bien la difficulté de s'imposer avec des sujets sociaux dans un groupe qui a la dominante économie. Oui, c'est d'abord ça qui se passe, mais ça c'est avant Covid aussi, quoi. Oui, c'est ce qu'elle dit, hein. C'est un problème général dans la société, évidemment, et finalement ce groupe de sortie du confinement et le reflet d'équilibre ou de déséquilibre préexistant dans la société. Et donc voilà, à un moment, quand on parle de s'en sortir, elle nous décrit un petit peu les nouveaux publics qui sont adressés aux banques alimentaires, par exemple. Et voilà, on voit que ça touche énormément de gens. Toutes les personnes qui dépendent d'abord de l'économie informelle sont touchées. Toutes les personnes qui dépendent d'emplois précaires ou flexibles sont touchées. Et ça commence à toucher une sacrée partie de la population. Et pourtant, il y a des dispositifs qui ont été mis en place par l'État, hein, pour essayer d'amortir un peu cette extension de la pauvreté. Mais voilà, les fils, que ce soit devant les banques alimentaires et puis bientôt probablement dans les CPS, vont cesser de grandir. Vont cesser de grandir, c'est ça que tu as dit ? Non, cesser. Non, ah cesser. Non, cesser de grandir. Cesser. Voilà. Pardon. Mais alors, cet entretien que tu as fait avec cette secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, donc Céline Nieuweneus, c'est un entretien où tu poses, en tout cas Alter Echo pose des questions. Ça s'est fait comment, via le téléphone, cet entretien ? Ah non, mais là c'était le début de... On commençait à toucher bien presque au déconfinement, donc c'était... Ok. Avec 3 mètres de distance, voilà. Parce qu'il y a une photo, hein, il y a une belle image de Manon Kleinheinz, c'est juste ? Voilà, tout à fait, qui est venue prendre quelques photos, en effet. En tout cas, avec cet article, on comprend bien que les questions sociales passent en dernier, mais ça, on le savait déjà. Voilà, on le savait déjà, mais je pense que ça montre, parce que Céline Nieuweneus s'est souvent exprimée dans les médias, on l'a quand même entendu dans pas mal de médias, notamment grand public, mais je trouve que ce qui est intéressant dans cet entretien, c'est vraiment de comprendre la dynamique interne dans ce groupe. Elle n'est pas la seule à défendre des idées sociales, mais il y a quand même, ça reste une minorité dans ce groupe, et de voir les rapports de force et la limite aussi de l'exercice, vu que même quand il y a une victoire en interne du groupe et le fameux groupe de déconfinement reprend une recommandation, ensuite c'est dans les tiroirs de la ministre, et elle n'est pas obligée évidemment de reprendre cette recommandation, et en plus il y a un énorme manque de transparence. Je pense que c'est en train de changer, mais la plupart des rapports du GIES n'étaient pas rendus publics, ce qui est quand même assez hallucinant. Voilà. Ouais, le GIES, c'est le groupe d'experts du déconfinement, quoi. Voilà, c'est un truc anglais, hein. Je crois que c'est groupe ouais. C'est dingue. Est-ce que tu as envie de rajouter encore quelque chose sur cet article ? Sur celui-ci, pas spécifiquement. Hein. Je pense que c'est juste très intéressant aussi de voir à quel point tout était désorganisé au tout début, et notamment la façon dont, donc, d'une part, la faim touche des publics nouveaux, mais aussi le fait que, ce qui m'a surpris, c'est que même la soif a touché... Des sans-abri, par exemple, au départ, avec la fermeture de certains services, difficulté d'accès des fontaines qui n'étaient pas forcément qui n'étaient pas forcément ouvertes à ce moment-là. Et donc voilà, même la soif qui a pu toucher des sans-abri, c'est quand même très très interpellant. Ça, c'était au tout début de l'idée du confinement. Mmh. Et de voir aussi le désordre engendré par cette mesure, notamment dans les services sociaux. Et on se rend compte que certains services, par exemple aux personnes handicapées, pour essayer de ne pas propager le virus, ont confiné à l'extrême certains publics dans leur chambre. C'est assez difficile. Mmh. Et donc, toi, tu as aussi écrit un article avec... comment ? Ça s'appelle Jeunesse, quoi ? C'est intitulé comme ça, Jeunesse ? C'est en section Jeunesse, ouais. Mais avant de parler de ça, je voudrais peut-être dire un mot sur, si je me permets, hein, avant de parler effectivement des enjeux sur police et jeunesse, c'est ça que tu... Oui, oui, c'est ça. Dans cet alter ego, il y a un assez long article de Martine van de Meulebroek sur les maisons de repos. C'est intéressant parce qu'évidemment, les maisons de repos, on en a beaucoup parlé pendant toute la crise, vu que c'est là qu'il y a eu énormément de décès, hein, quoi, liés au Covid. Je pense à environ 4500 décès, en partie liés au Covid, vu qu'on a... Oui, c'est ça. Hein. En Belgique, on a un peu tout mis dans l'étiquette Covid. Mais ce que l'article décrit, alors au-delà des questions de responsabilité pour le politique, elle creuse plutôt l'angle des dysfonctionnements à la fois conjoncturels pendant cette crise, où on a vraiment isolé des personnes âgées qui ont besoin de contact. Et l'isolement était tellement fort que parfois ça a pu créer ce qu'ils appellent un syndrome de glissement, c'est-à-dire arrêter de se nourrir et en fait se laisser mourir. Donc c'est dur, c'est quelque chose de très intéressant à lire à ce niveau-là. Et en plus, je pense que ça permet de comprendre les grands enjeux des maisons de repos qui deviennent souvent, je pense que dans l'article, il emploie le mot mammouth, voilà, des grosses structures, parfois avec des façons de faire standardisées et un certain épuisement des travailleurs. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'absentéisme dans certaines structures, ce qui a rajouté encore plus de l'isolement et donc créé un cercle vicieux. Donc voilà, ça permet de prendre un recul sur le fonctionnement de ces structures. Et c'est très important, vu que je pense qu'il faudra forcément faire le bilan après, le bilan à la fois politique et des responsabilités suite à cette vague énorme de décès qu'il y a dans les maisons de repos. Voilà, je pense que fallait le dire, et c'est un article important à lire. Mmh, d'accord. Ben moi, je te suis où tu veux. Hein. On y parle des sans-abri à Charleroi, les naufragés du gymnase. On y parle de sale temps pour les étudiants jobistes. Ça aussi, ça a dû être énorme. Hein. Tous ces petits étudiants, ces petits et grands, hein. Je suis bête, qui du jour au lendemain se retrouvent sans revenus pour payer leur loyer. Ça a aussi été un gros choc, quoi. Oui, ben en fait, c'est ça, l'enjeu, c'est que du jour au lendemain, effectivement, plein de publics se sont retrouvés, alors qu'ils n'avaient pas forcément déjà grand-chose avant, mais en tout cas, avaient quand même parfois de quoi subsister, se sont retrouvés quasiment sans rien. Donc, effectivement, les étudiants jobistes, c'est un bon exemple. Les artistes aussi. Dans l'Oreca, forcément, ben voilà, c'est... Oui, ouais, c'est la cata, quoi. Les artistes... Moi, ce qui est chouette, en fait... Ouais, excuse. Non, ce qui est chouette, c'est que dans votre alter ego, on comprend mieux aussi tout ce qui se joue avec les artistes, entre guillemets. Et tout... Ça, c'est vraiment, vraiment bien expliqué. J'ai vraiment appris des choses, quoi. Sur les artistes, mais pas que, surtout finalement sur tous les travailleurs à projet, les travailleurs intermittents, les travailleurs à contrat précaire, pour tous ceux-là qui ne rentrent pas dans la catégorie artiste. En fait, ce qu'on comprend dans l'article, c'est qu'effectivement, les artistes, bon, c'est très complexe pour eux, avec tous les événements qui ont été annulés et très peu de couverture sociale, mais les artistes ont réussi à obtenir un petit quelque chose, en tout cas, certainement des possibilités de chômage temporaire lorsque les événements ont lieu entre je ne sais plus quelle date et le 31 août. Bon, c'est déjà assez court comme période, vu que des événements vont continuer à être annulés après. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, hormis les artistes, il y a toutes les autres catégories de gens qui travaillent au contrat, à la pige ou dans des dynamiques très flexibles et précaires, comme ça, pour qui pour qui, pour le coup, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment, c'est presque les oubliés des. Oui, c'est ça. Les victoires, entre guillemets, des artistes. Ouais. C'est tous ces petits contrats déterminés, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Ou alors, oui, même parfois des gens qui passent par Smart. Enfin, voilà, tous ces gens qui ont des contrats dans des secteurs qui, par exemple, événementiels, qui ont des secteurs qui ont. Qui sont complètement arrêtés de fonctionner là pour le coup et pour lesquels il n'y a pas grand chose qui a été prévu donc, et qui n'ont pas bénéficié entre guillemets du petit regain d'intérêt pour le monde artistique. Voilà, mais il est évoqué dans cet article aussi la possibilité, l'idée d'un jour envisager de revoir le statut d'artiste pour peut-être faire un statut d'intermittent donc avec une assiette plus large, mais ça sera un débat très compliqué. Il y a aussi un article qui parle des étudiants stagiaires, mais dans le domaine de la santé. C'est vrai que ça aussi, ça a dû être énorme, tout ce qui a dû se passer. Oui, c'est clair que, dans tous les cas, tous les étudiants, que ce soit par leur job étudiant ou par leur stage, ça a été une mise à l'arrêt de leurs activités. Alors évidemment, les étudiants dans le domaine de la santé, il a fallu y aller se confronter à la crise, ça a été effectivement... Oui, ça n'a pas été toujours facile pour ces étudiants-là. Donc vous parlez aussi, je fais un petit peu le tour, hein, quand tu veux vraiment développer, il y a les sans-papiers, autant évidemment du coronavirus, vers une régularisation. C'est parce que je mets mon téléphone beaucoup plus loin parce que j'entends plein de bruit. J'entends quand même ma voix en... Alors je mettais mon téléphone. Tu m'entends mieux ? Oui, un petit peu mieux, oui, tout à fait. Donc, je parlais des sans-papiers et de la régularisation exceptionnelle. Si tu as envie d'ajouter des choses, tu peux. Enfin, régularisation exceptionnelle, évidemment, il y a un point d'interrogation, hein, parce que ça c'est l'espoir de nombreuses associations, mais vu le gouvernement... actuel et qui est un gouvernement de gestion d'urgence et avec des tendances politiques franchement pas ouvertes à ce genre de sujet, ça va être compliqué. Mais effectivement, la régularisation, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays en cette période de Covid, notamment pour des publics, manière pour le dire très, très simplement, des publics par exemple qui ne peuvent pas être expulsés entre guillemets pendant ce genre de période et qui vivent à la rue parfois sans rien. Et effectivement, une régularisation semblerait logique et essentielle, mais c'est un combat politique très complexe, hein. Et alors on en vient à la police et jeunes, bilan d'un confinement sous tension. Oui, tout à fait. Surtout que je pense que la Ligue des droits de l'homme a sorti hier ou avant-hier son bilan justement de l'analyse du confinement et qui montre une augmentation de ces tensions. Et ces tensions, évidemment, elles se sont cristallisées autour du drame de la mort d'Adil à Anderlecht. Mais elles existaient avant, évidemment. Et le confinement a rajouté une couche dans le sens où c'est parfois très dur à vivre pour des jeunes. Dans des quartiers avec des logements, dans des quartiers difficiles, avec des logements exigus, dans une famille qui peut avoir des enjeux complexes, c'est très difficile de rester confiné dans ces cas-là. Et donc, forcément, certains sortent. Forcément, la police n'est pas loin. Et je pense que l'article creuse un peu le sentiment des travailleurs de terrain auprès des jeunes qui ont vraiment eu l'impression et qui décrivent même. Un certain arbitraire dans l'application des règles par la police, de certaines zones de police. Alors je pense que ça aussi toujours la complexité, les zones de police ne sont pas toutes les mêmes, mais certaines zones de police, notamment autour d'Anderlecht, où je pense que même une fonctionnaire de la prévention de la commune d'Anderlecht souligne quand même des difficultés profondes entre jeunes et police depuis longtemps, et qui se sont exacerbées avec ce confinement. Et c'est clair que bon, c'est un problème qui n'est pas du tout propre à Bruxelles ou à la Belgique, et qui est en ce moment discuté dans de très nombreux pays du monde. Voilà. Mais c'est quand même énorme ce qui s'est passé, quoi, aussi. Hein. C'est dingue. Ben, la mort d'un jeune garçon qui faisait rien de mal, tu vois, qui était dans... Enfin, c'est fou, quoi. il s'est échappé parce que oui, en période de confinement, mais c'est quand même énorme, quoi. Enfin. Prononcer sur ça parce que j'ai pas suivi le détail des procédures et exactement ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est que sous les cas, il y a un jeune qui est mort et que en soi, ça c'est évidemment scandaleux, quoi. Oui, mais même Après, sans, même, tu le vois. dossier lui-même, je ne sais pas. Oui, mais même sans, comment dire, savoir si c'est un, si c'est volontaire, si la mort d'Adil est voulu, enfin, c'est difficile. Mais même comme ça, tu vois, simplement du jeu du chat et la souris, c'est violent, quoi. Tu vois. C'est clairement très très violent, et d'ailleurs je pense que c'est pas pour rien qu'il y a eu des réactions dans le quartier juste après, quoi, les jours suivants, parce qu'évidemment beaucoup de jeunes se reconnaissent là-dedans et aimeraient qu'il y ait une forme de justice, quoi. Ouais. Et c'est clair que beaucoup se sont identifiés, et c'est assez bien, je pense que les acteurs de terrain dans cet article décrivent bien justement tous ces sentiments qui s'entremêlent entre le confinement, les problèmes à domicile, donc l'envie de s'échapper, l'absence d'activité, l'absence de sport, l'absence de perspective, et qui se mélange avec la mort de quelqu'un dans un contexte d'interpellation de police. Et tout ça fait un cocktail qui a été assez explosif, même si ça s'est finalement assez vite apaisé, curieusement. Enfin, apaisé en apparence, hein, je crois. Mais toi, on est déjà à 21 minutes là, ça passe vite. Mais toi, l'article sur la police et les jeunes, tu as décidé de donner la parole à un coordinateur de centre, plusieurs d'ailleurs, hein, C'est du vraiment foyer. l'idée, l'angle de cet article, c'est vraiment de passer par. Oh là, attendez. De passer par. J'aurais dû mettre en silence sur mon téléphone. De passer par les acteurs de terrain, ceux qui ont continué à avoir des contacts avec le terrain malgré le confinement. Donc voilà, c'est centre de jeunes, maison de jeunes, AMO, tous ceux qui sont sur le terrain, même si évidemment ils ont beaucoup réduit leur activité pendant le confinement. Mais ils restent en lien avec le quartier, et je trouve que c'est des bonnes. Voilà, c'était des observations intéressantes, parce que c'est des gens qui connaissent ce terrain depuis des années et qui voient la situation qui ne s'améliore pas, en tout cas. Mais oui, ben oui, ben À minima. oui. Ouais. Que dire encore sur ce alter ego du mois de juin? Il y a, Je on pense peut, que on peut voilà, pas faire le tour en fait, hein. On sait pas faire le tour parce il y a qu'il est beaucoup vraiment de papiers. conséquent. Futur, Tout à la fin, à la ça? fin, les Corona Dreams, on évoque effectivement des tas de sujets, hein, sur ce que tu as dit, les sans-papiers, les travailleurs saisonniers, il y a beaucoup de choses. Ben, Je ouais, n'arriverai pas il à faut, faire le tour comme ça. voilà, il faut le lire, quoi, en gros. Exactement. Et aussi un très beau reportage de Julie Long dans cette sorte au parc Astrid, mais pas celui de Anderlecht, celui de Liège. Dans lequel il y avait une sorte de camp de sans-abri créé par les autorités. Et voilà, c'est un reportage très agréable à lire et très intéressant. Et je voulais encore, zut, tu vois, j'ai oublié, je t'écoute, zut, j'ai un trou, quoi. Je voulais dire quelque chose avec ce alter ego. Voilà, ça me revient. En fait, cette revue sociale, vraiment pour les gens qui s'intéressent à l'actu social et pas simplement facebookienne, tu vois, malgré que Facebook, c'est quand même un outil intéressant, moi je dis quand même, j'ose le dire, il y a beaucoup de bêtises, mais c'est quand même un outil aussi intéressant. C'est un outil alternatif aux médias mainstream, mais Alter Echo, en fait, c'est une actualité sociale vraiment qui analyse en profondeur, quoi. Donc vraiment, si on veut connaître un peu mieux le sujet, vous abordez quand même les choses dans son essentiel, quoi. Non, mais ça, C'est c'est. ça l'idée, c'est d'analyser, c'est d'aller à fond dans les sujets et de pas rester sur le superficiel, et de s'intéresser et de faire aussi du contradictoire malgré tout, de demander les différents points de vue et de pas se contenter de rester à la surface, quoi, vraiment d'aller de creuser les thématiques. Ben voilà, merci Cédric Vallet. Merci à toi. À une prochaine, hein. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon. Hop, c'est marqué, c'est parti. Le micro est branché. Et pour la suite de cet agenda du Campus Info du vendredi soir, on a deux invités qui s'appellent Lucie Martin et Emmanuel Laurin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, il faut, on prévient juste, mais techniquement, en fait, on est chacun dans notre petite bulle, c'est-à-dire que vous, Lucie et Emmanuel, vous n'êtes pas ensemble. Hein. Il y a Emmanuel qui est sur Paris et puis Lucie qui est à Bruxelles. Ça, c'est bien comme ça, hein. Chacun, on ne se voit pas, quoi. C'est ça. Voilà. Et c'est quand même... Bien pour ça, la technologie aussi, hein, mais il ne faut pas exagérer non plus la technologie. Enfin, là, je fais juste une petite parenthèse, parce que le micro ouvert, l'émission qui est juste avant l'agenda, en fait, il va parler de ça, du numérique, quoi, et des dérives numériques. Soit, petite parenthèse. Et là, Lucie et Martin, on vous reçoit pour un gros travail, quand même. C'est un livre de 276 pages, quoi. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder tout ça. Je l'ai vu en plus virtuellement, donc je l'ai pas eu en main. Il paraît qu'il y a aussi des dessins, des images. Donc, c'est paroles données, paroles perdues, et c'est vraiment sur les personnes qui habitent dehors, le sans-abrisme, comme on dit. Vous avez mis en place 70 réunions avec 40 heures de captation sonore et de vidéo. Je ne sais pas si c'est vous deux qui l'avez mis. Vous allez justement un peu nous raconter tout ça. Et comment vous avez eu cette idée, quoi. Voilà. Pourquoi vous avez eu cette idée. On peut démarrer, voilà. On pourrait aussi démarrer avec le titre, hein, « Paroles données, paroles perdues ». Ou peut-être aussi, ça va, vous suivez. Lucie, si tu te présentais... Et après, Emmanuel, qui vous êtes, en fait? Ok. Donc, moi, c'est Lucie. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le secteur de l'aide aux personnes sans-abri. Je suis sociologue de formation et je m'intéresse à toutes les démarches participatives aussi avec, avec différents types de publics, mais aussi avec des personnes qui sont à la rue. Et je connaissais l'existence, donc pour préciser, c'est pas nous qui avons organisé ces réunions. Ces réunions étaient organisées par la Strada, qui était le centre d'appui au secteur de l'aide aux personnes sans-abri et qui est maintenant devenu Bruxelles. Et qui est maintenant devenu Bruxelles. Tu veux dire qu'ils ont changé de nom? Voilà, Bruxelles. Donc c'est Bruce Help. Ah ok, ok. Vrai. Et qui est toujours le centre d'appui, enfin le centre régional d'aide d'urgence et d'insertion qui coordonne un petit peu les actions au niveau de la région par rapport à l'aide d'urgence et d'insertion aux personnes sans-abri. Et donc, à l'époque, ce centre d'appui organisait des réunions entre des travailleurs sociaux et des personnes sans-abri dans l'idée que parler, c'est déjà agir. Et un peu aussi dans une perspective de remettre du collectif dans l'aide sociale qui est très fort individualisée, en fait. Et donc, c'était des réunions où la parole était très libre, qui était animée par un animateur. Et ces espaces de parole ont lieu depuis plus de 20 ans. Et puis, à partir de 2008, l'animateur, il y a un nouvel animateur qui a pris en charge ces réunions et qui a décidé de les filmer. Alors, il y avait toute une réflexion autour de la caméra, mais notamment, l'idée, c'était de garder une trace. Et pourquoi ? Pour le centre d'appui, mais aussi éventuellement pour la formation de travailleurs sociaux, mais avec l'engagement auprès des gens que ces réunions, enfin que leur image et leurs mots ne seraient pas utilisés, ne seraient pas mis ni à la télé, ni sur YouTube, ni sur Internet, etc. Donc il y avait une clause d'anonymat, de confidentialité, qui était évidemment une contrainte importante avec laquelle on a dû travailler. Donc c'est pour ça notamment qu'on a choisi la forme du livre. Mais donc nous, on avait connaissance de cet archive. Je fais pas mal de détours. J'espère que je n'ai pas... Non, on comprend. Ok. Et donc, et on trouvait que c'était intéressant justement parce qu'en général, c'est plutôt... Enfin, on entend peu, en fait, la parole des premiers concernés par rapport à leur situation. On entend souvent... les politiques, on entend les experts, on entend les travailleurs, encore que. Et les représentations médiatiques des personnes à la rue sont très, très orientées, très stéréotypées. Souvent, c'est un portrait très sensationnaliste. Et donc, ici, c'était vraiment l'idée de valoriser une parole qui est souvent invisibilisée, qui est peu entendue, en considérant que, finalement, les personnes qui ont le plus à dire, enfin, en tout cas, elles... Les personnes qui vivent ces situations très précaires ont autant à dire, si ce n'est pas plus, que les personnes en charge de les aider ou de les gouverner. Voilà, ça c'était un peu l'idée de base du projet. D'accord, et donc on comprend que tu es une travailleuse sociale et donc tu as eu accès à ces archives. Mais on va passer à la parole à Emmanuel alors. Et toi, petite présentation et la même question, hein, comment ça se fait que tu... Bah, j'imagine que tu es un travailleur social aussi. Non ? En fait, pas du tout. Ah ben bah, voilà. J'ai fait des études plutôt artistiques et ensuite j'ai travaillé pendant longtemps à Bruxelles dans le domaine de l'archive filmique et vidéo, dans la préservation de ces archives. Attends, je comprends pas de quoi tu parles quand tu dis de ces archives. Comment... Alors, par exemple, en fait, juste j'avais une expertise, j'étais expert, voilà, entre guillemets, en préservation des archives vidéo et filmiques qui sont dans toutes les institutions patrimoniales, que ce soit les musées. Je savais même pas que ça existait. Incroyable. Ah, voilà. Lucie m'a parlé de cette archive dont elle connaissait l'existence, qui était à la Strada. Et donc, j'ai trouvé ça. Elle m'a proposé de travailler dessus avec elle et Margot. Ce qui m'a intéressé, c'est que c'est une archive. En tout cas, le contenu de cette archive est rare. C'est-à-dire que, comme disait Lucie, la parole des sans-abri, elle est souvent absente, la parole directe des médias. Toutes les archives que moi dont j'avais connaissance, il n'y avait pas quelque chose d'aussi massif, en tout cas d'aussi important, avec des sans-abri qui discutent entre eux avec des travailleurs sociaux. Et donc j'étais intéressé tout de suite de faire quelque chose à partir de ça. De faire quelque chose, ça veut dire de faire quelque chose. En fait, parce qu'il y a quelque chose, c'est une thématique de la recherche justement dans les archives, c'est si on archive des choses, il est aussi nécessaire de pouvoir les diffuser. Et comme l'a expliqué Lucie, ces archives, elles étaient invisible parce qu'il y avait toutes ces clauses de confidentialité. Et donc, l'idée, c'était de trouver un moyen, et là, c'était à travers un livre, de diffuser cette archive au plus grand public. Ouais, là, on pourrait partir sur un autre sujet qui est la diffusion des archives. Pas forcément, puisqu'une archive, c'est un travail de mémoire aussi. C'est pas forcément. C'est vrai que dans notre monde hyper visible. Enfin, ça, c'est une autre question. On s'échappe encore. Mais donc, Lucie et Emmanuel, mais vous parlez d'une Margot. Qui est Margot ? Donc, c'est la troisième du collectif Siloge, puisqu'on ne signe pas le livre de nos noms. Mais, voilà, c'est ça que ça veut dire. Silos. Siloge. Donc, on est trois. C'est donc Lucie, moi et Margot Dobby, qui, elle, est cinéaste, plutôt. Et voilà, qui a travaillé avec nous sur l'ensemble du livre. D'accord. Et ça veut dire quoi, Siloge ? Alors, Siloge, ça vient du grec ancien. Et ça veut dire réunion. Enfin, en fait, siloge, ça veut dire recueil, collection. Et ça vient aussi de silogos, qui veut dire réunion. Et donc, pour nous, ça faisait écho vraiment au projet, puisque c'est un recueil et une collection de paroles qui ont été données. Et c'était dans le contexte de réunion, justement, entre des personnes sans-abri et des travailleurs sociaux. OK. Et donc, Lucie, à ton tour maintenant, j'essaye de partager bien la parole, ou alors à Emmanuel hein, aussi, c'est pas forcément, tu vas pas peut-être forcément savoir me répondre, hein. C'est à vous de voir. Mais quoi, donc ce projet, ça a été évident de le sortir en livre, ou bien vous avez réfléchi à d'autres pistes? Oui, on a eu beaucoup de pistes, mais c'était vraiment un enjeu de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut extraire de ce matériel, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, parce qu'évidemment, il y a tout un travail de montage et de sélection, finalement. Nous, on a réalisé le livre, mais c'est vraiment la parole des gens qui est transmise. On a écrit des didascalies pour rendre davantage compte de... Oui, ça, c'est très chouette, hein. Paroles, très chouette. Des échanges entre chacun. Donc, en fait, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a un peu cette dimension-là. On est vraiment avec eux dans l'espace dans lequel se fait l'espace de parole et on sent aussi dans certains extraits la caméra puisqu'on en parle. Ouais. Mais ça a été tout un travail de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc au début, on s'était dit qu'on allait faire peut-être une petite œuvre multimédia, donc en gros un site internet avec des extraits, plus peut-être en mode audio. Web documentaire ou audio, mais audio, il y avait de nouveau la question de l'anonymat, et ça, c'était quelque chose, une contrainte éthique. Ah, ben justement, mais c'est ça que je ne comprends pas, parce que moi, j'ai juste une petite remarque, après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça raconte, en fond, toutes ces paroles j'imagine que ça raconte plein de choses, mais on discute là plutôt de la forme. Vous avez choisi un livre, mais l'audio, enfin, un livre, je ne sais pas si ces personnes. Vont avoir accès à ce livre, si elles sont à l'aise avec la lecture, si, je ne sais pas, hein, je balance ça comme ça. Tandis que j'ai l'impression que ces personnes-là sont plus à l'aise avec l'oral aussi, tu vois, l'oralité. Et du coup, ben, l'audio, ça aide aussi à être anonyme. On s'en fout, en fait, de qui tu es, non ? Je réponds à Lucie. Enfin, je pense que déjà, pour nous, c'était pas clair quand on a posé la question de savoir si on pouvait utiliser l'audio, comme il y avait vraiment eu un contrat tacite avec les personnes et que ces personnes-là, on ne sait pas forcément où elles sont, on ne sait pas forcément qui c'est. Juste pour nous, on ne voulait pas prendre cette responsabilité-là. Et il y a aussi des contraintes techniques, c'est-à-dire que l'image, que l'audio vient de l'image. Donc, c'est une caméra qui est placée à un endroit de la salle de réunion. Elle bouge parce que c'est souvent les participants eux-mêmes qui filment, qui se passent la caméra. Même quand on a commencé à faire des tests pour utiliser l'audio, faire des montages, en fait, la qualité de l'audio était trop mauvaise pour qu'on puisse travailler avec. OK. Voilà. Et puis aussi par rapport à ce que tu dis sur la différence entre l'oralité et la lecture, ça je m'avancerais pas et j'aurais envie de dire que c'est peut-être plutôt un stéréotype parce qu'il y a plein de gens qui sont en rue, qui lisent. Ah ouais, t'en vois beaucoup toi. Qui sont très au courant de la l'actualité. Et justement, le livre, c'est un petit peu ça. Je pense qu'il s'adresse peut-être même plus au grand public qui est parcouru de stéréotypes, parce que ces stéréotypes sont véhiculés dans les médias et qu'on parle toujours du sans-abrisme comme... Enfin, du fait d'être à la rue comme un problème individuel qui serait dû, par exemple, à des fragilités psychologiques ou à des addictions, des problèmes d'alcool, plutôt que de mettre en avant les causes structurelles, en fait, de cette situation, c'est-à-dire, par exemple, les prix des loyers, le marché du logement de manière générale, la gentrification, le détricotage de la sécurité sociale, le marché du travail, etc., qui fait qu'il y a une précarisation de plus importante de la population. Et donc, enfin, je veux dire, ça participe de stéréotypes qu'on a et que le livre, comme essai documentaire, cherche aussi à aller un peu à rompre, en tout cas. Tu vois, c'est justement de montrer que, comme le disait l'animateur, le sans-abrisme, c'est autre chose qu'une litanie de biographies tristes, compliquées, etc., que ces personnes ne sont pas des gens qui sont sans lien, qui sont sans lieu, qui sont sans histoire, tout au contraire. Et je pense que quand on lit le livre, en tout cas, comme s'il fallait encore le montrer, c'est que c'est des personnes très intelligentes qui ont une lecture tout à fait consciente des mécanismes sociaux dans lesquels ils sont pris. Et donc, quand tu demandais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du livre, il y a beaucoup cette question-là de la question des inégalités, des absurdités administratives, du fait qu'on demande plus à des gens qu'on considère hors système qu'à des gens qui sont dans le système. Il y en a un qui dit, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, Amir, je pense, c'est comme si plus tu es au fond, plus tu dois faire des démarches. Comme si la misère se mesurait à la quantité de démarches qu'il fallait entreprendre pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, je me suis peut-être un peu perdue. Mais moi, je réagis juste à une petite phrase que tu dis. Qui pense vraiment que les personnes dans la rue ne sont pas intelligentes? Il ne s'agit pas de ça. En tout cas, moi, j'ai envie de me défendre un peu parce que ça fait comme si... Mais on sait que les causes structurelles... Tu dis? Je te provoquais un peu par rapport à la question de la lecture. Eh ben, tu m'as trouvé. Ouais. Mais les causes structurelles qui sont hyper trash, hyper violentes, font que la première des ressources que tu veux, c'est avoir chaud. Enfin, tu vois, ça joue aussi sur le cerveau, de dormir dehors en plein froid, que les gens sont désagréables avec vous. Enfin, il faut être fort psychologiquement pour continuer. Moi, c'est surtout tout ça, en fait, que je voulais aussi souligner, parce que c'est pas évident de continuer à s'informer, de continuer à lire, parce que c'est hyper trash. Hein. C'est pas simplement de la poésie romantique de se retrouver, je te provoque aussi, dans la rue, quoi, tu vois. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire maintenant. À vous, quoi, Emmanuel, Lucie. Mais non, mais effectivement, c'est vraiment l'objet du livre, enfin, ce qu'on voudrait que les gens en retirent. Après, ils en retireront ce qu'ils voudront, mais c'est justement il faut arrêter avec cette vision romantique du clochard qui a choisi la liberté en étant à la rue. Ça n'existe pas. Moi, j'en connais un. au moins un, j'en connais. Mais voilà. Tu veux dire que t'as un ami noir? C'est ça. Ouais. Emmanuel, à toi? Mais non, mais effectivement, ce que ces gens-là racontent, et pour le coup de façon collective, c'est que effectivement, se nourrir, aller aux toilettes, dormir, c'est quelque chose qui leur prend énormément de ressources et qui est très difficile et que comme disait Lucie même dans ces conditions là on considère presque qu'ils sont désœuvrés et qu'ils ont tout le temps de pouvoir faire tout un tas de démarches administratives pour s'en sortir. Et du coup, il y a cette idée-là que, oui, mais ces gens-là, ils font rien de leur journée, c'est qu'ils veulent pas, Oui. sortir de la C'est rue. ça, c'est des profiteurs, des glandeurs, c'est ça, on entend beaucoup ça. Hein. Voilà, on sait pas trop bien de quoi ils profitent, mais apparemment, ils trouvent qu'ils profitent quand même. Hein. De toute façon, en gros, l'idée de ce bouquin, c'est plutôt de le faire partager à ceux qui auraient des a priori sur le sans-abrisme. C'est ça aussi un peu votre... Oui, ou ceux qui aussi sont touchés ou se posent des questions sur qui sont ces personnes, et même des gens qui n'auraient pas forcément des a priori négatifs ou des images stéréotypées en tête, mais juste, je pense que même moi, j'ai appris plein de choses sur comment les gens en rue se pensent et vivent leurs difficultés. Et qu'est-ce que tu peux nous faire partager alors de ce que tu as appris? Par exemple. Par exemple, pour revenir à ce que disait un peu Lucie, c'est-à-dire que ce qui est très frappant, c'est que ces gens-là arrivent à parler de leur situation déjà souvent avec beaucoup d'humour, ouais, et d'ironie, du cynisme vraiment très fin et qui sont très très conscients du fait qu'ils sont pris dans quelque chose qui est effectivement structurel et que c'est ils sont pas à la rue juste parce que ils ont eu un accident de parcours, ils sont à la rue parce que la société dans laquelle on vit et les politiques qui sont menées font que ces gens-là sont parfois condamnés à y rester en fait. Et par rapport à ce que tu disais, je pense, en effet, c'est bien sûr, il n'y a pas d'objectif, entre guillemets, moral de notre part, de vouloir conscientiser absolument les gens qui penseraient mal la situation du sans-abrisme, tu vois. C'est une question, je pense, qui interpelle tout le monde et qui touche beaucoup de gens. Et le livre, c'est une façon de rentrer en contact avec la problématique, je pense, si on se pose des questions et de pas dire à la place des personnes concernées, c'est-à-dire les personnes sans abri, mais aussi les travailleurs sociaux avec qui ils discutent dans ces extraits, de découvrir un peu tous les enjeux, toute la débrouille du monde de la rue à partir de ce que les gens disent eux-mêmes. Donc, il y a 40, donc c'est sous la forme d'un glossaire. Et donc, il y a 40 entrées avec des mots-clés comme ça qui font écho avec ce qui est dit. Tu peux citer quelques mots glossaires comme ça? Oui, par exemple, il y a méandre, patte blanche, seuil, premier de cordée, recette, le tirage de cartes, l'angoisse, le choix, al dente, en orbite, agent de change. Donc, et ça continue. Les attentes, les images. Il y a aussi... Ouais. Excuse-moi, non, vas-y. Non, vas-y. Non, mais j'allais dire, il y a aussi des images, des photos. Vous pouvez en parler un peu, ça aussi? Ou bien oui, j'invente? Parce que moi, je n'ai pas réussi à voir ça, à ouvrir, en fait. Bah, en fait, le livre, juste pour donner une idée, il y a un peu comme trois catégories de choses. Il y a les paroles des sans-abri, avec Lady Daskali, les entrées, un peu chapitrées comme ça. Il y a aussi trois textes qui sont plus des textes analytiques, qui expliquent un peu ce qu'étaient les espaces de parole et qui font une analyse un peu de ce qui se raconte dans ces espaces de parole. Et ensuite, on a aussi mis des dessins qui sont sur des calques, en fait, à l'intérieur du livre. Et donc, c'est des dessins qui ont été faits à partir des vidéos. Donc, pareil, c'était une espèce de stratégie pour pouvoir quand même rendre compte de ce qui se passait à l'image dans ces archives, un peu comme des didascalies visuelles, comme ça, pour donner un peu un sentiment des postures des gens, de comment ils s'interpellent ou de comment ils sont recroquevillés sur leur chaise parfois. Enfin, voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc, il y a quelqu'un qui a dessiné, alors? Oui. Ah voilà, Margot dessine. On salue Margot. En fait, c'est décalqué très librement à partir des captures d'écran des vidéos. D'accord. Et donc, parfois, il y a le même personnage, mais répété plusieurs fois. en fonction de l'avancement du temps. Donc, il y a aussi une dimension un peu temporelle où on voit les gestes bouger, etc. Il y a l'idée de rappeler l'origine audiovisuelle de l'archive, quoi, aussi, avec ses dessins. D'accord. Et toi, Lucie, puisque j'ai posé la question un peu à Emmanuel, est-ce que tu avais des idées aussi toutes faites sur le sans-abrisme et que tu as appris des choses ou... Qu'est-ce que, avec tout ce travail, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé chez toi? Bien sûr, bien sûr. Et j'en ai encore probablement plein. Donc, mais par exemple. Même si j'ai travaillé dans le secteur, ben, je sais pas, je suis toujours. Quand je relis des extraits ou quand je vois ce qui se passe, ben, parfois je suis énervée parce que je trouve que ce qui est dit n'est pas juste. Ou, voilà. Mais très souvent, je suis aussi touchée ou impressionnée. Je me dis, mais. Enfin, c'est peut-être. Je pense. Un truc précis qu'on comprenne un peu. Je sais pas, peut-être c'est un peu presque scandaleux de ma part, j'ai presque honte de dire ça, mais parfois je suis là, waouh, c'est super malin et c'est super intelligent, et pourtant cette personne n'a pas eu la même chance que moi de faire des études, tu vois, d'avoir entre guillemets plus facile dans la vie, et donc je suis quand même toujours impressionnée de la clarté avec laquelle les gens parlent de ce qui se passe. Et puis, évidemment, je suis touchée aussi parce que c'est aussi des situations très difficiles. Donc, voilà. Oui? Ah, je croyais qu'Emmanuel voulait dire quelque chose. Non, non. Ah, ok. J'écoute. On peut parler aussi de la parole, du titre, hein, parole donnée, parole perdue, mais avec un point d'interrogation. Parole perdue. Parole perdue. Alors, je dis ici, oui. Ouais, vas-y. Du coup, on a choisi ce titre parce que c'était le thème d'une des réunions parmi les 70 réunions qui ont eu lieu. Et il nous paraissait parfait pour le livre puisque il y a cette parole qui a été donnée par les sans-abri, par les travailleurs sociaux. Et le fait de mettre un point d'interrogation, c'était vraiment aussi en lien avec le statut de cette archive, puisque c'était juste des vidéos sur un disque dur à la Strada qui, en fait, si on n'en faisait rien, allait probablement à un moment disparaître et juste être perdu un peu à jamais. Donc, le point d'interrogation, c'est aussi dire. Est-ce qu'avec ce livre, on l'a fait quand même un petit peu apparaître, même si c'est une sélection et que c'est que des fragments de ce qui s'est passé pendant ces réunions. Et puis aussi, c'est tout à fait ça, mais aussi c'est l'idée que je me perds, parole donnée, parole perdue. Tu te perds. Oui, c'est un peu en pied de nez parce que souvent dans les espaces de parole, il y a la question de ça sert à quoi de parler. Et donc les gens provoquent beaucoup l'animateur. Oui, bon, on est là, on parle, mais ça sert à quoi de parler? Mais c'est une vraie question. Exactement. Et donc il y en a certains qui disent, ben moi ça me fait beaucoup de bien de parler parce que c'est hyper. Enfin, je viens ici justement pour parler, pour être avec d'autres gens. C'est ça qui me permet d'être encore vivant. Et puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais nous on a déjà dit 1000 fois en fait. Et on n'est jamais écouté, et en fait, ça n'a jamais aucun impact. Et donc, les réunions, vous ne devriez pas les faire ici entre nous. Ici, on est tous d'accord, mais c'est au CPS qu'il faudrait les faire. c'est vrai. Voilà. Ouais. Et clairement, c'est vrai. Et c'était un problème des espaces de parole aussi, parce que plusieurs fois, il y a des politiques qui ont été invités, il y a des responsables qui ne sont jamais venus. Donc, il y a toujours une sorte de dichotomie, quand même, entre. Ben, ceux qui prennent des décisions d'un côté et puis les autres qui parlent entre eux, ça permet peut-être de se sentir moins seul, d'être ensemble, de voir sa situation moins comme un problème individuel, mais comme un problème collectif. Mais clairement, la question d'à quoi ça sert de parler, elle est présente. Il reste 2 minutes, en gros, les amis. Ok. Et... Juste pour rajouter une chose, je pense que aussi, à la base, ces espaces de parole, il y avait dans l'idée de faire parler les gens qui vivent ces situations-là, les sans-abri et les travailleurs sociaux qui essayent de les aider, et que cette parole remonte jusqu'aux politiques et aux décideurs, qui a pas fonctionné. Qui n'a pas fonctionné ? Non, Mais quand est-ce qu'est sorti le livre, en fait? Récemment? le 8 juin. Ben oui, il n'y a vraiment pas longtemps, là. Non, c'est Tout à fait. Parce que il a encore, il vient de sortir, il vient de naître, en gros. Après, on est en plein déconfinement, confinement, Covid, blabla. Il y a plein de choses à mettre en place avec ce travail. Moi, je voulais dire félicitations. C'est vraiment super à vous trois de vous être penchés là-dessus. Merci. Oui, t'as dit quelque chose? J'ai juste dit merci. Mais la diffusion, elle commence seulement maintenant, quoi. Vraiment, voilà. Et c'est aux éditions Maelstrom Révolution, c'est ça? C'est ça. Et ce livre, si on veut se le procurer, j'imagine, il est payant, hein, comment ça se passe? Alors, il coûte 14 euros et il est disponible bah, dans les librairies. C'est-à-dire, on peut aller dans n'importe quelle librairie et le demander, puisqu'il est distribué par Maelstrom en Belgique et il est distribué par la librairie Wallonie-Bruxelles à Paris. Ok, waouh. Et puis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis à Paris, c'est que je fais le tour des librairies pour leur montrer le livre. Et voilà. Ben voilà, c'est vraiment. On espère avec ce bouquin que ça va toucher le plus de monde possible, si c'est ça évidemment votre intention, au fond, aussi quoi. C'est aussi. Mais je vous laisserai les mots de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter sur tout ça? Le livre est payant maintenant, en tout cas il est en librairie, etc. Mais qu'on l'a fait en licence libre, Creative Commons, donc les paroles nous appartiennent, pour être vraiment dans l'idée que les paroles nous appartiennent pas à nous, mais qu'elles restent entre guillemets propriété des gens. Donc si quelqu'un veut, dans un but non commercial, utiliser les paroles et en faire autre chose, etc., c'est tout à fait possible. Et voilà, on est super content de pouvoir parler du livre à Radio Campus. C'est super chouette d'avoir un peu de relais, de pouvoir le rendre public aussi, parce que comme tu dis, c'est un long travail collectif et ça fait plaisir d'en voir l'aboutissement aussi. Emmanuel, des derniers mots sur tout ça? Ou pas, hein? T'es pas obligé de dire quelque chose si t'as rien à dire, hein? Eh ben, peut-être que je n'ai rien à dire en fait. Tu dis? Tu n'as rien. Mais merci beaucoup de parler du livre, en tout cas, avec nous. Eh bien, Lucie Martin et Emmanuel Leroux pour le livre Parole donnée, parole perdue. Je vous souhaite bonne route et à une prochaine, alors, hein. Oui, merci. Voilà. Super, merci beaucoup.